Yeah. Nicely. Le James come again. Ça nous dit. Not nice. Libérez le lynx. Mikael Tour. C'est Kobe qui là. Nous kay mette kay la hot la kay veyo. Femme gamme de 20 cm lolo. Pour yo sous ses bouts lolo seulement. Et non gamme de femme pour raser cocotte. Pour yo pas mette bouche la adan. Et femme gamme de nom qui blinde l'argent. Mais yo kay les parents. Mais yo kay les parents. Tel louye si la jan nou m'kasi se koman awa yo chaye a do chankan pou koke. Vin sou skal bololos la bet free kon mi gos man nan jet sa. Sam mwen moun nan ni yon gos. Navige yon le fes moun nan kon oyol. Bat la biya freshman bouk men fey a la kriol. Pa fe manye ou sa vla ni kon bien kes alkol. Men fok chebe kon ou plas nou ke goute fam. Kouna ou tou, gel, fin komi nou. Se yo tout le vin gade nou, se yo tout jalou nou. Gel, an pate ke vin fou, me yo pes pate ke je me ouf. Me gel pa ki top, gel, si yo tout le vin ouf. Me yo peyo pate ke je me foud, me gel pa ki top, gel. Me yo tout le vin gade sa pou yo pesa vin fou. A lo fam ne fo selman asi le rezo. Si ou pa gos bo, pa la pen bote bo yo. Yo toujou pare pou pan, nyen ki gros poto. Dapre yo, show, pli show ki actis porno. A pen man show, pou travayan le klito. Fam la za ka kriye bobo, ka kriye popo. Yo toujou fo pou kritike, men jamen pou asime. Toujou fo pou kritike, men jamen pou asime. Fam gama de 20 cm lolo. Pou yo sou se bout lolo selman. Et nom gama de fam pou raze cocotte. Pou yo pa mette bouche la adan. Et femme gamme de nom qui blinde l'argent. Mais yo kay les parents. Mais yo kay les parents. Coucou now tout, girl, fin comme nous. Si yo tout le vin gade nous, si yo tout jaloux nous. Girl, en pâte que vin fou, mais yo pèse pâte que je me ouf. Mais girl, pas qui tout, girl. Si yo tout le vin ouf, mais yo pâte que je me foule. Mais girl, pas qui tout, girl. Mais yo tout le vin gade ça pour yo pèse à vin fou, girl. Coucou now tout. Yeah. Nicely. Le James come again. Ça nous dit. Not nice. Libérez le lynx. T'es Kobe qui là. Nous kay mette kay la hot la kay vi yo. Yo baga tan jeng fam. Mikael Tour.